Section 35 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 35. L'adoré par René Mézeroy. Octobre 1885. Comme ce Paris les tient toutes, comme ces fantasques y laissent la moitié de leur être quand elles le quittent, ne fût-ce que pour quelques semaines. Marthe en rêve dans son sommeil, en parle à chaque instant avec une sorte de fièvre, un émoi qu'elle ne peut dissimuler. On dirait qu'elle sent le parfum des petits bouquets de violettes qu'on vend sous les porches, la brume vague qui flotte, qui enveloppe comme d'une gaze fine les maisons, et qui givre les plis de la voilette, qu'elle aperçoit l'avenue pleine de voitures, avec derrière les grilles dorées du bois, les grands bosquets dépouillés, et les bizarres toits de pagode qui se profilent en lignes onduleuses, la rue de la paix, où les devantures des magasins s'illuminent, où les équipages se suivent en une longue procession immobile, qu'elle a dans les oreilles ce sourd bruissement monotone qui ressemble au milieu de la nuit à l'haleine d'une bête monstrueuse. Elle piaffe sur place. Elle lit les journaux minutieusement, de la première à la quatrième page. Elle se préoccupe des pièces que l'on jouera et qu'annoncent les soirées, les couleurs, les chapeaux qui seront à la mode de demain. Elle guette les scandales, les procès qui sont détaillés avec des sous-entendus et des initiales. Et je suis tout bête devant les questions qu'elle me pose. Je ne sais que lui répondre. Je ne parviens pas à me mettre à son diapason, à surmonter la croissante tristesse qui envahit à nouveau mon cœur. Je n'ai pas la force de renoncer au rêve, un moment ressuscité, de me dire qu'en somme Marthe est pareille aux autres femmes, et que je suis un sot, un songe creux, de poursuivre l'impossible idéal, de la vouloir meilleure que toutes ces névrosées, d'avoir espéré que le bonheur absolu durerait longtemps, toujours. Fin de la section 35, enregistrée par Margot.